voyous me cherchent des poux. Ils me cherchent partout. C'est peut-être l'amour fou. Et Barbès à Babylone, de New Delhi à Carcassonne, on donne mes gages dans tous les bouges. Peut-être que je mets trop de rouge. Et Barbès à Babylone, de New Delhi à Carcassonne, c'est ça ma vie, jour et nuit. C'est ça ma vie, c'est ça ma vie. Mais avec, sans les salopes, c'est ma vie. On dit jolie, ça le rend furieux. Ça l'énerve, ça m'énerve. Et Barbès à Babylone, de New Delhi à Carcassonne, c'est ça ma vie, jour et nuit. C'est ça ma vie, c'est ça ma vie. On fait avec, sans les salopes, c'est la vie. Il croit en ma carrière. Il a beaucoup de flair. Je l'aime, mais il faut que je s'aime. C'est ça ma vie, jour et nuit. C'est ça ma vie, c'est ça ma vie. On fait avec, sans les salopes. C'est ça ma vie.